calibré dans la turvoie négro. Ça sent la douille de Renoir à Pico. Soir cela Poucaf dormira dans le frigo. Représailles commanditées par le 6 gros. Chaud, négro, chaud, négro, chaud. Scène de crime dans le fucking ghetto. Calibré dans la turvoie négro. Calibré dans la turvoie négro. Calibré dans la turvoie négro. Chargé, ce soir la lune est bien remplie, ouais foulée. Trois jeunes nous voient de la cité, on sortit les meurs pour tout faire basculer. Fonce des déterminés, comme ces salopes défoncées chez les condés. Ce soir la pouca finira dans un frigo déterminé, parti pour voir le sang couler, dissimulé dans le noir. La pouca fait la marchant dans le noir. La mort est tout près, destinant son avenir à la craie, négro calibré dans le noir. Les représailles commanditées par un enfoiré de gros bonnet, bonnet dans le hood, gros tu connais, connais. Quand les youves voient rouge pour la monnaie, monnaie. Bon, c'est la guerre obligée, calibré dans la guerre. Calibré dans la turvoie négro. Calibré dans la guerre. Calibré dans la turvoie négro. Encore une guerre dans la cité. Encore une guerre dans la cité. Encore une guerre dans la cité. Encore une guerre dans la cité. Arroser les chrysanthèmes. Criminel sera la mise en scène. Le corps du défunt sera mis en terre. Pour nos trois frères, 10 piges de prison ferme. Calibré dans la turvoie négro. Ça sent la douille de Renoir à Pico. Soir cela Poucaf dormira dans le frigo. Représailles commanditées par le 6 gros. Chaud, négro, chaud, négro, chaud, chaud. Scène de crime dans le fucking ghetto. Calibré dans la turvoie négro. Calibré dans la turvoie négro. Calibré dans la turvoie négro. Ce soir encore le sang a coulé dans le ghetto pour les lever. Ce soir encore le sang a coulé dans le ghetto pour la monnaie. Ce soir encore le sang a coulé dans le ghetto pour les lever. Les rafales ont parlé, la pouca avait troué. Troué le corps de l'enculé. C'est la représailles dans la street, gros y'a plus rien à faire. Les jeunes du ghetto ont choisi l'oseille. On choisit l'oseille. On choisit l'oseille. Calibré dans la turvoie. Calibré dans la turvoie. Calibré dans la turvoie. Calibré dans la turvoie.